est une Inde à la terre, pour y plonger un temps noircé. Nous les gravés en ciel éternité, en mélodie pour nous songer. Que c'est en forme de Dieu qui façonnait l'existence, nous l'air après l'air, jour après jour. Cassé en forme, créole qui enfantait. Timon va et nous, vivez puis nous, montrez-moi ça qui l'amour est. C'est la terre. Vendoulet en frontière, nous, trouver en tendresse ou apaiser. Nous plaisir, songer, femme crée.